بشاق بالاصيلي بغيت نشحن من باب دقيله غادي بما بوليتيك غير شغل ساري كيله وصلن بي ان جي شحال من سموم خايب كينا شبعنا لي جايبين نسينا داكرين بكينا صابون ضاقبي وصلن دربي بكل ليله دارنا شافوني بي جامي عرفو طاعديله ميم وسط الفيلا بكاليك بيسوس بالي مهمة ما تخافيش راه بامبينو نمبرونو في كل مدينه 5 ans on me risque, j'pas fait la fac. Zanta me finance par étac, mais t'y ressorti, fallait pas, ouais. Sans cave la quiche, t'as m'bombé l'agenda. Serti budget, f'qu'au képard, motherfucker, fallait pas, ouais. Sème Coca-Cola ou c'est le capital. Puta vie, serve sur les bas, motherfucker, fallait pas, ouais. Soldat BNG, bloc, c'est solidat. Zanta me finance par l'état, motherfucker, fallait pas, ouais. Des jeunes agressifs, cool j'ai qui blessé, j'ai qui bêché, qui grissé. Hey j'ai fessé, c'est mousse l'adhésif. Ça vient de la décire, rares sont ceux qui m'apprécient. Des jeunes agressifs, le casal cursif. Cool j'ai qui blessé, j'ai qui bêché, qui grissé. Hey j'ai fessé, c'est mousse l'adhésif. Ça vient de la décire, rares sont ceux qui m'apprécient. Yeah. Cool j'ai père et à la pile. Je vis d'été, pis ça pour dit tête. J'arrache quelques carapis. Avenue liberté, pis c'est à coup j'y pète. Coup j'y perds et à la pile. Je vis d'été, pis ça pour dit tête. J'arrache quelques carapis. Avenue liberté, pis c'est à coup j'y pète. Haram, menkom haram. Fautionné ou jara, aïe chef d'alam. Daram, wast ben daram, ghadi bna dara, tala fuq haram. Haram, fuq min haram, f'ayni libal, habbu l'gharam. Haram, minkum haram, fuchuni uchara, aisha f'daram. Sabotage, bal kolos, morodi. Couche hyper et à la pile. Je vis d'été, pis ça pour dit tête. J'arrache quelques carapis. Avenue liberté, pis c'est à couche hyper. Couche hyper et à la pile. Je vis d'été, pis ça pour dit tête. J'arrache quelques carapis. Avenue liberté, pis c'est à couche hyper. Casal cursif, cool chic et blessé, chic et bêche qui grissé. Hajj chic et fessé, ce mousse l'adhésif. Ça vient de la décire, rares sont ceux qui m'a